En Corée du Sud, les habitants de Songju de la province du Gyeongsang du Nord ont livré le 15 un rassemblement contre la disposition de sade des autorités et la coupe de cheveux collective, apprend-on du journal Une Nation.